Chapitre 12e. Le marquis n'était pas homme ordinairement à se payer deux mots. Cependant, quand il trouvait que l'atavisme le faisait le père de Denise, il éprouva un profond soulagement. Atavisme, cela répondait à tout. Ce n'était pas lui qui avait inventé une règle physiologique pour les besoins de l'heure présente. C'était la science qu'il avait formulée depuis longtemps en se basant sur l'expérience. Tout le monde sait, sans faire métier de savant, que certaines affections, le rhumatisme, la goutte, vont du grand-père au petit-fils. Quoi de plus concluant? Et dans les circonstances présentes, quoi de plus heureux pour lui que cette conclusion qui lui permettait de reconnaître Denise pour sa fille sans arrière-pensée ou sans doute? Après toutes les alternatives, toutes les inquiétudes par lesquelles il avait passé, quel soulagement! Pendant qu'il suivait ainsi l'enchaînement de ses idées qui l'amenaient à une solution heureuse à tous les points de vue, Denise, placée près de lui, regardait, avec une expression de contentement non cachée, les maisons de Château-Chinon disparaître dans les tourbillons de poussière que leur voiture soulevait sur son passage. « Vous êtes contente de quitter Château-Chinon ? » demanda le marquis. « Oui, et contente aussi d'aller à Paris près de maman. Contente de vous revoir. Contente d'être dans cette voiture qui est celle-là même que maman prenait pour nous promener dans la campagne quand elle venait ici. Enfin, contente de tout. » Pauvre petite, comme la chute allait être rude pour elle. Maman ne venait pas très souvent me voir, mais quand elle venait, c'était fête toute la journée. Nous avions les plus belles chambres de l'hôtel et toujours dans la cour cette Calais-Châtelet. Du matin au soir, nous étions en promenade dans les montagnes, dans les forêts. Tout ce que je désirais, maman le faisait. Tout ce que je voulais, elle me le donnait. L'année dernière, nous avons emmené avec nous Sidonie Fraisier. C'est elle qui était heureuse. Vous comprenez, cette pauvre petite, elle n'a pas de parents, personne pour l'aimer. Il est vrai que moi non plus, je n'avais pas maman là près de moi, et quand tout le monde sortait pendant les vacances, c'était bien triste de rester à la pension, toute seule avec la vieille Françoise. Mais je savais qu'à Paris, maman pensait à moi, et que si elle ne me prenait pas avec elle, c'était parce que cela était impossible. Vous avez compris qu'il vous était impossible de rester près de votre mère? Mais sans doute. Qu'est-ce que maman aurait fait de moi le soir quand elle était à son théâtre ou bien dans la journée pendant les répétitions? Quand maman m'a expliqué que je n'étais plus une toute petite fille, comme elle dormir dans un coin, au foyer ou dans une loge, comme cela m'est arrivé bien souvent, et que je ne pouvais pas l'accompagner partout, je n'ai pas tout de suite compris. Mais depuis, j'ai bien vu qu'elle avait raison. C'est pour cela que j'ai envie de vous adresser une question. Quelle question, mon enfant? Si maman me rappelle, c'est que les motifs qui l'empêchaient de me regarder près d'elle autrefois n'existent plus maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que maman va quitter le théâtre? Le marquis resta embarrassé pour répondre, alors elle continua. Il y a un an, maman m'avait parlé de son désir de se retirer. Alors nous devions vivre toutes les deux ensemble, à la campagne, dans une maison à nous. Ah, maman faisait de beaux projets pour nous. Que veut-elle de moi maintenant, le savez-vous? Vous voir. Elle n'a pas pu venir. C'est parce qu'elle ne le pouvait pas qu'elle m'a demandé de vous amener près d'elle. Elle joue tous les soirs? Non, pas en ce moment, elle est souffrante. Mon Dieu! Il ne faut pas vous effrayer, mon enfant. Il est certain que votre présence près d'elle va lui faire le plus grand bien. Qu'a-t-elle? Une maladie de langueur avec des accidents du côté de la poitrine. Denise se tut et pendant assez longtemps, elle resta absorbée dans une méditation douloureuse. Puis tout à coup, relevant la tête, « Est-ce que les chevaux ne pourraient pas aller plus vite ? » dit-elle. « Ne craignez rien, nos heures sont calculées pour arriver au train. » Le temps de la joie était passé. Denise resta morne dans son coin, ne regardant même plus le paysage qui défilait devant elle. Le marquis lui-même gardait le silence, l'examinant à la dérobée et l'étudiant. Sans doute la réalité allait être cruelle pour cette pauvre enfant, et il se sentait attendri à la pensée du coup qu'elle allait la frapper. Mais d'un autre côté, il éprouvait une sorte de joie à trouver en elle cette sensibilité, cette tendresse. Assurément, il était bien naturel qu'un enfant s'attriste en apprenant que sa mère est gravement malade. Mais cet enfant avait été abandonné par cette mère, et elle ne lui en gardait pas rancune. Plus tard, elle ne garderait pas rancune à son père, sans doute, de l'oubli dans lequel il l'avait laissé pendant 10 ans. Comme la route ne pouvait pas se continuer ainsi silencieusement, il voulut faire parler Denise. Cela la distrairait malgré elle, et puis, d'un autre côté, en la faisant parler, il apprendrait à la connaître. La voiture arrivait en ce moment à Châtillon en Bazois et passait sur un pont au-dessus d'un canal. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » dit-il en montrant l'eau. « Un canal. » « Je vois bien, mais je vous demandais quel canal, je ne sais pas. Dans quel pays sommes-nous, le Morvan ?»« Nous quittons le Morvan pour entrer dans une autre contrée, savez-vous laquelle ? Je ne sais pas. »« Le Nivernais. »« Cela ne vous indique pas le nom de ce canal ? Elle rougit et parut confuse. On ne nous a pas appris la géographie, dit-elle enfin. Mais il n'y avait pas que la géographie qu'on avait négligé de lui apprendre. De question en question, posée plus ou moins adroitement, mais toujours avec douceur, le marquis en vint à reconnaître qu'elle ne savait rien. Pour l'histoire, la littérature, les sciences naturelles, il en était comme la géographie. En langue française seulement et en arithmétique, on lui avait pendant ces 5 années enseigné quelque chose, mais bien peu. Et il était certain que ce n'était ni à la faiblesse, ni à la paresse d'intelligence de l'enfant que tenait cette ignorance, mais à la faiblesse ou la paresse des maîtres. La route se fit ainsi, occupée par ces conversations. En arrivant à Nevers, ils avaient une demi-heure devant eux avant le départ du train. Comme ils attendaient dans une salle dont la cheminée était ornée d'une glace, le marquis, prenant Denise par la main, la plaça près de lui juste en face la glace, et longuement il la regarda, ne la quittant des yeux que pour se regarder lui-même. Surprise de cet étrange manège, elle se mit à sourire. Alors le marquis se détourna avec confusion, mais presque aussitôt revenant à elle. « Je regardais, dit-il en plaisantant, si avec ma grande taille, j'avais bien l'air d'un ogre qui vient de faire provision de chair fraîche en province. » En arrivant rue Le Pelletier à 11 heures du soir, le marquis fut frappé par l'aspect de la maison. À 7 heures peu avancée de la soirée, elle était plus sombre que quand, 3 jours auparavant, il était débarqué de Rudemont à minuit passé. Emma était-elle plus mal ou bien... Il n'osa interroger le concierge, qui semblait vouloir venir au-devant de lui, et vivement il entraîna Denise par la main. Il sentit cette main tremblante dans la sienne. Sans parler ni l'un ni l'autre, ils montèrent l'escalier. La porte était fermée, il sonna. La femme de chambre, qui vint ouvrir aussitôt, poussa un petit cri étouffé en les apercevant. « Maman ?» demanda Denise d'une voix pleine d'angoisse. Le doute n'était plus possible pour le marquis. Ils arrivaient trop tard. Il ne fallait pas que la pauvre petite reçût ce coup sans y être préparée par quelques paroles. « Votre maman est sans doute plus mal, » dit-il. La femme de chambre inclina la tête. « Peut-être même tout à fait mal, » continua le marquis. La femme de chambre se mit à pleurer. « Maman ! Maman !» cria Denise. À ce moment, la porte de la salle à manger s'ouvrit et Balbine parut. Lors du dernier voyage d'Emma à Château-Chinon, Balbine l'avait accompagnée. Denise la connaissait et savait qu'elle était l'intime amie de sa mère. Elle se jeta dans ses bras en s'écriant « Où est maman? Je veux voir maman !»« Ma pauvre petite Denise, ma pauvre enfant !» Il fallait prendre un parti. « Peut-on la conduire près d'elle ?» demanda le marquis. « Il faut qu'elle voie sa mère. »« Oui, la voir !» dit Denise en se retournant vers le marquis. Il la prit par la main et faisant signe à la femme de chambre de les précéder, il entra dans la salle à manger déserte et sombre. La porte de la chambre était ouverte. Prêt à entrer, il hésita une seconde. Alors ce fut Denise qui vivement passa la première. Il la suivit. Elle courut au lit en criant « Maman, c'est moi, me voilà !» Mais sa mère ne répondit pas à sa voix. Elle prit la main qui était posée sur le lit. Cette main était froide. Éperdue, elle se pencha sur le lit, cherchant les yeux de sa mère. Elle ne les trouva point. Ils étaient clos. Alors l'horrible vérité lui entra dans le cœur, comme si elle y avait été vivement enfoncée par un coup de couteau. Sa mère, elle n'avait plus de mère. Elle tomba à genoux au pied du lit, et fondant en larmes, poussant des cris étouffés, elle s'enfonça la tête dans les draps. Balbine voulut aller à elle, mais le marquis la retint. « Que pouvons-nous pour elle ? » dit-il. « Quelle parole entendrait-elle en ce moment ? » Laissons la première explosion de la douleur briser son énergie. Tout à l'heure, nous lui parlerons. Alors, attirant la comédienne dans un des angles de la chambre, il l'interrogea à voix basse. Après son départ, Emma avait éprouvé un moment de calme, mais ce moment avait été court, alors elle avait voulu qu'on allât lui chercher un notaire. « Un notaire ?» interrompit le marquis, mais la pauvre femme n'avait rien. « Sa fille. Par son testament, elle vous a nommé tuteur de Denise. « Quand Arthur reviendra, me dit-elle, je ne serai plus là. Tu lui diras pour moi que ma dernière prière a été pour lui demander de se charger de ma fille. » Il s'établit un long moment de silence, puis le marquis se dirigea vers le lit et par-dessus la tête de Denise agenouillée, il prit la main de la morte. « Emma, dit-il, votre prière a été entendue. » Puis d'une main ferme, relevant l'enfant et l'obligeant à tourner la tête vers lui, « Pleurez, mon enfant, pleurez. Mais dans votre désespoir, n'oubliez pas que vous avez en moi un ami dévoué, un père. »